rimant dans sa parole, couvre l'esprit dans mon cœur. Oui, Jésus t'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus t'aime, la Bible me le dit. Bible me le dit. Dieu par Jésus donne l'Église de sa mince et chandelier. Jean le vit dans son amour, l'Esprit mince et sa parole. Oui, Jésus t'aime. Sa parole me le dit.